essayer d'user de ma voix au maximum. On n'a pas de micro en fait dans la salle aujourd'hui. Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre même en haut? Ouais. Oui. Ça... Bon. Je vais faire mon maximum avec ma sinusite en plus. Et si jamais vous n'arrivez plus vraiment à comprendre, levez la main pour que je rehausse le son, d'accord? Donc, bienvenue dans le cours Enjeux numériques de la communication. Aujourd'hui, dans la séance, on va, comme c'est le premier cours, faire le point sur les objectifs du cours, sur son déroulement, également sur les modalités d'évaluation. Et pour commencer, une petite minute d'information concernant un conflit d'horaire qu'on m'a signalé en ce qui concerne les horaires d'exercice pratique pour ce cours. En effet, le cours est un cours à vocation plutôt théorique, en fait, d'assimilation de connaissances et de théories liées spécifiquement aux enjeux numériques en communication et d'analyse critique, en fait, de ces théories, notamment à partir d'études de cas. Ces études de cas, elles sont notamment vues à travers des exercices pratiques pour lesquels nous avions prévu des plages horaires de 2 heures qui, l'avons-nous appris, entrent en conflit avec un cours qui a lieu à l'IEX les mercredis après-midi. Donc nous sommes en train de voir, en fait ces séances-là commençaient à partir du 22 février. Nous sommes en train de voir en fait s'il y a des possibilités pour déplacer cette plage horaire. Donc j'ai vérifié avec Sarah, votre déléguée, les disponibilités que la classe avait pour essayer en fait de trouver un horaire qui ne posait pas de conflit. Là, j'attends des réponses de la personne qui s'occupe des réservations de locaux pour voir si une salle suffisamment grande serait disponible aux horaires où vous êtes disponible et où je suis disponible aussi de fait. Donc à ce sujet-là, on va en fait vous donner des nouvelles via le forum. Dès qu'on a confirmation, donc une salle est disponible et concernant l'horaire qui sera envisagé. Pour la séance d'aujourd'hui, donc du vendredi après-midi, elle ne bougera pas. Les changements potentiels, ce sont donc vraiment juste sur les séances d'exercice du mercredi. Ça va ? Si jamais vous avez des conflits horaires autres que celui qu'on m'a signalé, qui concerne donc le mercredi après-midi, vous pouvez contacter les assistants du cours dont les coordonnées figurent dans l'UV, qui sont donc Arnaud Bulif, qui est ici devant, et Brieux Litz, qui est également assistant. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il participait à un salon pour la présentation en fait, des programmes de la faculté ailleurs, mais donc il y a 2 assistants que vous pouvez contacter en cas de problème, notamment organisationnel ou logistique. Vous avez en ligne sur l'UV du cours déjà le plan du cours qui donc inclut le calendrier ainsi que les modalités d'évaluation. Donc les objectifs du cours que mentionne le plan et avec lesquels vous devez être familier, ce sont donc de développer une approche analytique et critique aussi des phénomènes donc liés au numérique en fait d'un point de vue communicationnel. Comme on va le voir, le point de vue communicationnel, il prend plusieurs formes. Il y a autant les relations en milieu de travail que des considérations plus d'ordre politique, ou par exemple l'utilisation du numérique en tant que levier d'un mouvement social. Il y a des dimensions liées aussi aux relations interpersonnelles qui peuvent changer. Bref, ce que nous, on va voir dans le quadrimestre, c'est vraiment ces différents niveaux en fait, de problèmes numériques ou d'enjeux qui sont liés à la communication. Donc ce qui va être important aussi, c'est de ramener ces phénomènes du numérique à des problématiques de communication. Et donc vous avez aussi, au fil du quadrimestre, à vous familiariser avec les différents problèmes ou enjeux spécifiques aux différentes sphères d'activité communicationnelle. Donc à travers le quadrimestre, on va avoir différentes théories. Des théories que vous avez peut-être déjà vues lors de votre bachelier, que vous l'ayez fait ici ou ailleurs, mais que l'on va confronter en fait aux phénomènes particuliers, au fonctionnement particulier du numérique. Et on va voir aussi des théories qui sont spécifiques à l'évolution du numérique, notamment au développement des médias sociaux. Est-ce que ça va toujours côté portée de la voix ? Soit différent. D'accord. Concernant les évaluations, Il y a trois formes d'évaluation dans ce cours. Il y aura un examen final qui comportera à la fois des questions qui porteront sur vos connaissances théoriques, donc plutôt des questions de type fermé en fait, directement en lien avec le contenu des cours magistraux, et des questions d'ordre plutôt analytique, c'est-à-dire où, comme lors des séances d'exercice, vous aurez, on vous soumettra en fait un cas, un phénomène de communication qui a cours par exemple sur les médias sociaux, que vous devrez analyser à partir de théories qui ont été vues dans les cours et qu'on aura discuté notamment lors des séances d'exercice. Donc en fait, cet examen-là, c'est un examen individuel, mais qui prend donc un peu ces deux formes de connaissances théoriques et aussi capacité d'analyse critique et de justification aussi bien sûr de l'analyse. La deuxième forme d'évaluation que contient ce cours, c'est une analyse critique justement que vous aurez à réaliser en groupe et à soumettre par écrit à peu près à mi-parcours, juste avant les vacances en fait de Pâques, donc à la toute fin mars. On vous donnera des consignes plus détaillées une fois que les ateliers d'exercice auront commencé, mais en fait, en gros, cet exercice-là noté, qui comptera pour 20%, est un exercice d'entraînement noté à ce qui sera demandé à la fin lors de l'examen. Donc ce sera analyse critique à partir des connaissances théoriques qu'on aura vues ensemble lors des premiers cours et dans les séances d'exercice. Et enfin, la troisième forme d'évaluation dans le cours, c'est la participation aux séances d'exercice qui comptera, elle, pour 10%, d'où le fait qu'on essaie d'éviter au maximum les conflits d'horaire pour ne pas vous pénaliser sans que ce soit votre faute. Donc en gros, vous avez l'examen final qui compte pour 70%, vous avez l'évaluation, enfin l'analyse critique en groupe de mi-parcours qui compte pour 20%, et vous avez la participation en présence aux exercices en classe qui compte pour 10%. Est-ce que vous avez des questions sur les modalités d'évaluation? Pour l'instant, ça va. C'est sûr que on va préciser les consignes au fur et à mesure, mais vous retrouvez en fait le résumé de ces trois modalités-là dans le plan du cours qui est en ligne aussi dans l'UV. Ok. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de faire une introduction à certaines définitions liées au numérique. On va plus particulièrement parler en fait des enjeux sociaux numériques qui sont un des aspects que l'on abordera dans le quadrimestre. Et on va commencer par le commencement plus du socio-numérique en voyant les premières définitions et un petit, très bref en fait, rappel historique sur le passage du web, donc de l'Internet, développement de l'Internet, au web qu'on appelle social et qui en fait qui draine avec lui plusieurs problématiques spécifiques de communication. Je vous ai mis ici donc, quelques dates, rapidement. La dénomination plutôt du World Wide Web date en gros de 1990, mais dans les faits, le développement de tout ce qui concerne l'Internet, puis le web social, la philosophie derrière l'Internet et ses objectifs ont commencé plutôt dans les années 60, avec notamment ce qu'on appelait le Advanced Research Project Agency, le ARPA, qui avait été développé aux États-Unis en 1969. C'était un projet en fait de réseau informatique entre quatre universités, qui étaient l'Université de Californie de Los Angeles, l'Université de Californie de Santa Barbara, l'Université d'Utah, et le Stanford Institute Research. Donc quatre structures universitaires en fait qu'on avait reliées par réseau informatique pour pouvoir partager notamment des données en termes de documentation, mais aussi pour permettre aux chercheurs en fait de faire connaître leurs recherches et de partager potentiellement des ressources pour l'enseignement aussi. Ce projet-là donc qui était essentiellement à vocation scolaire se développer en parallèle aussi d'une utilisation de ces réseaux informatiques, de ces nœuds en fait informatiques de liaison par également l'armée américaine. Et parallèlement à ce développement et à cette utilisation par l'armée et par les universités, s'est développé également, se sont développées plutôt des activités des hackers qui cherchaient donc à pirater ou à pénétrer en fait au sein de ces réseaux. C'est cette cohabitation entre des tentatives, des utilisations du réseau du numérique par les institutions, institutions universitaires, institutions militaires, et à la fois de tentatives d'appropriation en fait par la société civile, c'est une caractéristique des problématiques numériques qui en fait continue, qui existe donc depuis les naissances de l'Internet et qui s'est développée et qu'on rencontre encore. Donc c'est vraiment une spécificité des enjeux numériques que de faire cohabiter des intérêts liés à des institutions et des intérêts liés à la société civile qui cherche à prendre le contrôle en fait sur ces dispositifs informatiques. Bien sûr, le développement du web s'est accompagné de développement de logiciels, etc. Jusqu'à ensuite, donc ça c'est vraiment les développements clés dans les années 90 au début du web, mais qui ont par la suite donc donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui comme notamment plutôt possibilités de type médias sociaux, etc. Ce que je remonte à ces années-là, parce que sur le plan de la communication, en fait, ce développement qui se faisait à la faveur d'un côté de travail du côté institutionnel, universitaire, militaire, également donc tentative d'appropriation, de piratage, qui était aussi de la curiosité en fait d'utilisation des réseaux par la société civile, ça a amené en fait les chercheurs, sociologues ou personnes qui s'intéressaient à l'évolution des médias à concevoir en fait la communication ou les relations autour du numérique d'une nouvelle façon et donc à envisager des façons, des manières en fait d'en parler différentes. L'un des penseurs des médias auxquels on peut notamment rattacher toute la conception tournant autour du numérique, c'est Marshall McLuhan, donc intellectuel canadien, qui dans les années 60 a d'une part publié un premier ouvrage pour comprendre les médias, qui a conceptualisé certaines différences entre les médias, je vais y revenir, et qui a ensuite mis l'accent sur un concept, enfin sur l'idée en fait de village global, donc de cette idée que par un réseau d'informations, ou la mise en réseau en fait d'informations, comme l'avaient fait les universités par exemple, ou comme elles essayaient de le faire, ont donné une accessibilité plus grande et à un plus grand nombre à l'information. Donc il y avait un potentiel en fait de partage et d'accès qui était maximisé. Il y avait également, deuxième enjeu en fait souligné, une mise en relation plus grande qui était possible, de par justement cette construction de réseau, construction artificielle en fait, qui ne se faisait pas de façon naturelle, mais qu'on allait créer par le numérique. Et cette mise en relation était d'autant plus favorisée qu'elle se faisait en parallèle d'une instantanéité plus grande, puisque le partage d'informations, de références, de ressources documentaires, de documentation, de recherche en cours, se faisait de façon extrêmement rapide, voire instantanée. Pardon. Le troisième élément aussi qui l'a amené à penser en termes de village global, c'est la caractéristique de gratuité qui était associée au développement de l'Internet ou au développement de ces réseaux numériques. En fait, à la base, que ce soit entre les universités ou au sein des services militaires ou après ça, par les hackers qui essayaient de se regrouper pour partager de l'information de comment craquer certains codes pour rentrer à l'intérieur de certains logiciels, de certaines organisations d'information. Tout ce partage-là se faisait donc sur une base gratuite, ce qui se faisait en sorte aussi qu'on revenait donc à cette capacité d'avoir accès à plus d'informations de façon plus égale en fait pour les membres de la population. Donc cette caractéristique plus égalitaire, également d'instantanéité et d'accessibilité, a fait dire à McLuhan que le développement du numérique en fait amenés à parler d'une société qu'on pouvait caractériser ou qualifier de village global, au sens où les distances géographiques ou culturelles, habituellement utilisées pour distinguer les différentes sociétés, allaient tendre à s'estomper ou potentiellement être remises en question. J'ai mentionné deux ouvrages de McLuhan. Le premier à connaître, donc 1964, c'est Pour comprendre les médias. Et dans cet ouvrage-là, en fait, ce que McLuhan a établi, au-delà d'arriver au concept de village global, c'est la distinction entre des médias qu'il qualifiait de chauds et des médias qu'il qualifiait de froids. Alors, vous avez normalement tous suivi les cours de théorie de la communication au bachelier ou dans vos formations antérieures. Est-ce que vous vous rappelez des caractéristiques reliées à médias chauds, médias froids? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que quelqu'un serait capable de résumer la distinction entre les deux ou de donner des exemples de médias chauds ou de médias froids? Oui. Médias chauds, c'est quand le téléspectateur est actif, il me semble. C'est pas un truc comme ça? C'est l'inverse? C'est l'inverse. Ah, ok. Voilà. Mais effectivement, il y a vraiment cette idée de participation active ou non du récepteur. Est-ce que, donc, télévision, c'est un média que McLuhan considérait comme froid. Est-ce que quelqu'un se rappelle justement de caractéristiques liées à ces définitions? Chaud-froid? Ok. Est-ce que pour certains, c'est la première fois que vous entendez parler de média chaud, média froid? Qui n'avait jamais entendu parler de média chaud, média froid? C'est pas du tout. D'accord. Alors, donc. Donc, sur la base de certains critères, McLuhan a établi une typologie, donc dans les années 60, de médias, en fait, selon des critères, en fait, qui reposaient sur la densité d'informations produites par le média et le rôle que le public devait jouer pour arriver à comprendre l'information et pouvoir en bénéficier. Donc il y a la qualité de l'information, sa densité, et il y a également le rôle actif, plus ou moins actif, que va jouer le public, qui était pour lui des critères à partir desquels il a fait sa typologie de média chaud, média froid. Concrètement, ça s'est traduit dans le fait que ce qu'il a nommé des médias chauds, c'était des médias qui, pour lui, en fait, diffuser une information déjà très complète et pour lequel le public n'avait besoin en gros de rien faire. C'était dans sa classification, en fait, notamment la radio et l'imprimé, donc la presse, mais ça allait aussi pour la publicité ou l'affichage. Donc en fait, c'était tout ce qui se donne au public, que le public reçoit, et en fait quand il reçoit le message, il a tout en main. Donc, autrement dit, pour la radio aussi, pour McLuhan, la radio était un média chaud, au sens qu'elle diffusait un flux d'informations complet, et le spectateur, l'auditeur, en fait, n'avait qu'à, en gros, écouter, ou allumer la radio, écouter pour recevoir l'information. La distinction que McLuhan établit entre les médias part de préoccupations très liées au sens, donc l'utilisation des différents sens, l'ouïe, la vue, etc., et aux spécificités techniques, en fait, des médias. Donc, dans la radio, c'était l'ouïe qui était nécessité, pour l'imprimé, c'était la vue, point final. Ce qu'il qualifiait de médias froids, c'est notamment la télé et le téléphone. La télé, parce que oui, il y a l'utilisation de la vue, mais que sur le plan technique, ce que Mécluane soulignait, c'est que à la télévision, on voit une image qui est en formation constante, en fait, donc un ensemble de points finalement qui bougent, qui forment une image, mais cette image, en fait, elle est tout le temps en mouvement et tout le temps en déplacement. Donc contrairement à l'imprimé, où on a une image fixe devant nous qui nous est donnée, à la télévision, en fait, il y a un travail de la part du public, du téléspectateur, pour décrypter l'image, même si, en fait, l'œil fait le travail de façon quasiment instantanée, on ne s'en rend plus compte. Mais lui, en fait, découper cette action-là de décrypter l'image, et donc partir du principe qu'il y avait un effort plus grand de la part du public pour arriver à recevoir le message. De la même façon, pour lui, pour le téléphone, en fait, l'information qu'on reçoit par téléphone, elle demande au récepteur d'ajouter, en fait, de comprendre quel est le but du message, pourquoi on s'adresse à moi, et je vais répondre au téléphone. Donc, je participe de façon directe, en fait, à ce que le média me transmet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vois des sourcils qui se lèvent, qui se baissent? Est-ce que c'est parce que c'est pas clair? Il n'y a pas de soucis, hein? Ça va? Bon, c'est une classification que Mécluane a établie dans les années 60. Concrètement, par rapport au développement du numérique, je vous parlais tout à l'heure notamment de mise en relation. Cette caractéristique de mise en relation plus rapide entre des sujets ou entre des structures a fait en sorte que le web, en général, le web social aujourd'hui, est un médium qu'on classe plutôt dans les médias froids. C'est-à-dire un média avec lequel le public est appelé à davantage participer ou à compléter l'information. Parce que on a des bribes d'informations qui apparaissent, il y a de la vidéo, il y a de l'audio, il y a un découpage de l'information en forme d'hyperlien, etc. Donc il y a un effort en fait de décryptage qui est plus grand de la part du public. Et pour Mécluane, je vais revenir au concept de village global. En fait, cette spécificité des médias froids que de demander une participation plus active du public fait en sorte que pour lui, ce sont des médias qui vont davantage amener une socialisation du public. Le téléphone, par exemple, incluant directement que ben, il faut être deux, généralement, pour avoir une conversation téléphonique. Ou sur le web, comme on a une plus grande sollicitation et comme on a une invitation en fait, à voyager, à travers différents liens, donc à construire, à reconstruire de l'information, forcément on a un échange avec le média ou avec les autres concepteurs du média qui est plus grand. Donc en fait, ça va, sa conception de la compréhension, de la classification des médias, remettait en question, pour l'époque, la conception de l'émetteur et du récepteur, avec le récepteur comme un être passif, qui reçoit l'information et qui a reçu l'information, point. Dans sa conception à lui, les médias froids venaient en fait au contraire faire jouer au public un rôle plus actif de décodage mais aussi de choix avec tout ce qui était de l'ordre du zapping, etc. Cette remise en question, plutôt cet accent mis sur la participation du public, elle faisait écho à une théorie qui datait des années de l'année 1948-1950, si je vous dis Robert Wiener, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Oui ou pas vraiment? Si je vous parle de rétroaction, de feedback en théorie de la communication, je ne sais plus, ok. Donc on a dans les médias froids, une plus grande participation du public. On accorde donc une plus grande importance à la rétroaction, donc au feedback potentiel du récepteur. Et ça rejoint les fondements de la communication, de la cybernétique. Cybernétique, est-ce que ça évoque un un peu plus peut-être des souvenirs de certains cours ou de lectures que vous avez faites. Oui. Pour rappel, la théorie de la communication liée à la cybernétique, c'est une théorie qui date de 1948, qui a été développée par un gentil monsieur du nom de Robert Wiener, W-I-E-N-E-R, qui était en fait un ingénieur qui travaillait sur le raffinement des techniques de détection en fait de missiles pour atteindre leur cible. Donc en fait, il travaillait sur l'idée que de plus en plus un missile ou un objet, donc ça part encore du milieu plus militaire, allait pour s'adapter en fait et arriver à toucher sa cible qui est en mouvement, recevoir d'informations sur les mouvements de sa cible et adapter sa trajectoire à sa cible. Du coup, il avait en fait schématisé ça en partant du principe que pour mieux faire passer, en adaptant ça à la communication, pour mieux faire passer son message, on essaye d'observer ce que son destinataire en fait va faire, ses réactions, puis d'adapter son message. Ça, c'est le principe de rétroaction qui est axé sur le fait qu'on observe où on cherche à anticiper la réaction de son destinataire pour adapter son message. Donc c'est l'effet de feedback ou de rétroaction. Donc cette notion de feedback, de rétroaction, développée donc dans les années, à la fin des années 40, début des années 50, elle a alimenté après ça la conception des spécificités de l'Internet et du développement du numérique. Donc, ça, c'est pour un peu les mises en place théoriques. Marshall McLuhan, dont normalement vous connaissiez l'existence, oui, ça va, donc a écrit, en fait, il y a deux ouvrages majeurs sur lesquels, que vous devez retenir et dont vous pouvez vous servir assez grandement pour plusieurs analyses du numérique. Donc l'ouvrage « Pour comprendre les médias » 1964 et pardon, le deuxième ouvrage connu, c'est l'ouvrage donc, « The Medium is the Massage », je vais revenir sur le terme un petit peu après, qui lui date de 1973. En fait, la phrase clé à retenir de McLuhan, au-delà de la classification entre médias chauds, médias froids, participation du public, etc., c'est cette phrase que le médium est le message, traduction française, c'est-à-dire en fait que pour lui, c'était pas tant le contenu d'un message en fait qui allait influencer ou toucher une personne, c'était plutôt en fait le canal d'information et le potentiel de ce canal-là, la façon dont il fonctionne, qui allait influencer le public, qui allait capter son attention ou pas. Donc, en fait, c'était une sorte de renversement un petit peu par rapport aux conceptions premières qui étaient le contenu du message, finalement, et ce qui est le plus important. Lui disait non, si le message, il est à la télévision ou à la radio, il n'a absolument pas du tout le même effet parce qu'on est dans deux mondes différents. Donc, la phrase clé, c'est le médium, c'est le message. Oui, il y a une question. Selon votre définition, est-ce qu'on n'est pas tenté à dire que les médias chauds sont les médias typiquement de l'information et les médias froids de la communication? Pas forcément, parce qu'en fait, McLuhan ne fait pas cette distinction entre information et communication. Dans les deux cas, en fait, il y a les deux. Il y a les opérations de communication et il y a un passage d'information. C'est vraiment plutôt la distinction à faire, c'est dans la sollicitation ou le besoin que le public a de décoder l'information et de la compléter, qu'il y a une distinction entre chaud et froid. Donc en fait, c'est le caractère incomplet de l'information qui va faire que sur un média froid, qu'on parle d'un média froid par exemple. Mais il peut y avoir des opérations de communication aussi bien à la radio qu'en télé par exemple. Donc, c'est pas vraiment sur ce plan-là, en fait, qu'il se situe, d'accord? C'est vraiment le rôle du public qu'il faut prendre pour pour faire la distinction entre les deux. Donc, le médium, c'est le message, la phrase, c'est la phrase clé, mais comme vous le voyez ici, sur la couverture de l'ouvrage, le titre, c'est « The medium is the massage », avec un « A ». Ce n'est pas, en fait, et McLuhan a voulu laisser le titre tel quel, pour votre information et pour décrypter un peu l'idéologie aussi qui, est, qui traverse un peu cet ouvrage-là. C'est au départ une erreur de l'imprimeur. McLuhan avait nommé son, avait intitulé son ouvrage « The medium is the message ». Mais en fait, l'imprimeur s'était trompé et avait écrit « The massage ». Et en fait, quand McLuhan a vu l'épreuve, il a décidé de conserver cette erreur-là parce que pour lui, ça donnait un double sens possible en fait au titre, qui était d'une part que vous avez le terme du message avec le mess age, donc l'âge du bazar, on va dire, de façon soutenue. Et vous aviez également the mass age, l'âge ou l'ère de la masse en fait. Et dans les propos de McLuhan, il y a vraiment un peu ces deux préoccupations aussi qui sont que c'est une époque à laquelle il y a, mais en fait c'est quelque chose qui se vérifie ou qui se conforte, mais où il y a une multiplication de supports de communication, ou du moins une maximisation du potentiel des canaux de communication, et où aussi il y a cette réflexion sur les médias de masse, la communication de masse qui continue un petit peu à être une préoccupation en fait, notamment de la part des sociologues. Donc ces deux préoccupations-là en fait, de McLuhan traversent le titre qui a été conservé. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Ok. Donc ce qu'on appelle... je vais revenir juste en arrière. Ok, je vous ai mis ici une référence, bonjour, je vous ai mis ici une référence à en fait des, un petit reportage sonore sur les débuts de l'Internet. Si vous avez le temps ou quand vous réviserez les diapositives pour l'examen ou autre, vous pouvez en fait aller écouter, c'est une bande-son de l'époque en fait, sur l'époque de la création du développement de l'Internet. Et ça traduit le fait qu'il y avait une, vraiment que c'est, ce développement d'Internet, il était extrêmement influencé d'une part par une culture militaire, mais aussi d'autre part par la contre-culture américaine. Donc il y a vraiment en fait ces espèces de polarité ou de ce dualisme en fait dans le développement du numérique qui a à prendre en compte aussi. Donc on a parlé du web, du numérique. Ce que vous devez également enfin, ce que vous devez avoir en tête comme élément de définition quand on parle du numérique et de ses enjeux en communication, c'est les caractéristiques qui sont liées à ce qu'on appelle le web social. Est-ce que vous avez déjà eu des cours où vous avez abordé cette notion-là ? Oui ? Si oui, est-ce que, il y a des, est-ce que vous rappelez un peu de caractéristiques qui... Ok, bon, alors, ici je vous propose une définition, c'est sûr que pour les besoins du cours, on pose des premières définitions avec des auteurs clés, au fil du quadrimestre on va voir avec un peu plus de nuances parfois, certaines des catégories en fait que je vous présente. Mais en gros, si vous devez caractériser ce qu'on appelle le web social, c'est, vous pouvez évoquer cinq caractéristiques qui sont en fait des développements et un raffinement de ce qu'on a vu avant ça comme caractéristiques du numérique avec la gratuité, l'accessibilité, etc. La première caractéristique, elle fait directement écho un peu à ce que je vous parlais, ce dont je vous parlais il y a quelques instants, la cybernétique, c'est la capacité créative des usagers. Ça, ça fait appel, en fait, ça fait plutôt allusion d'une part à la capacité des usagers à participer aux plateformes, donc c'est le fait qu'on peut directement utiliser de façon concrète en fait ce que la plateforme permet, et c'est également le fait qu'on n'a pas forcément de limite ou qu'on est invité à nous-mêmes créer des utilisations de la plateforme ou proposer de nouvelles façons d'utiliser les plateformes. La deuxième caractéristique qui est directement liée à ça, c'est le fait que ce sont des plateformes qui sont accessibles. Donc accessibles au plus grand nombre et de façon aussi essentiellement gratuite. Et ce qui va avec, c'est que c'est maniable, c'est-à-dire qu'il faut que les plateformes, en fait, soient utilisables de façon relativement simple pour les usagers. Donc, autrement dit, une nouvelle plateforme qui apparaît, quand Snapchat est apparu, ou quand Twitter est apparu, etc., il faut qu'elle ait un fonctionnement spécifique, mais il faut que les règles soient suffisamment faciles, du moins que les règles de base soient suffisamment faciles pour les usagers à décrypter, pour qu'ils puissent eux-mêmes les utiliser, voire trouver des façons, en fait, d'utiliser les plateformes de façon un peu inédite. Troisième caractéristique, c'est la facilitation de la collaboration. Donc, comme il y a moins de distance, en fait, c'est de réduire les distances entre les utilisateurs, entre les internautes, par exemple, ou entre des personnes qui travaillent en réseau dans différents bureaux ou entre différents services, pour permettre de collaborer, donc de partager de l'information, de travailler travailler en équipe, en fait, sur des projets. Ça, c'est une autre caractéristique donc, de la dimension sociale du web. Quatrième caractéristique, c'est que le web est ici conçu comme quelque chose qui bénéficie à la fois de la force du nombre, c'est-à-dire que comme il est extrêmement accessible, il y a un grand nombre d'utilisateurs qui forment donc une sorte de masse, la masse des internautes, mais que vous avez aussi la force des individus multiples, puisqu'il y a différents types de communautés d'intérêt ou de communautés d'usage, en fait, qui se créent. Donc, il y a à la fois un effet de les internautes en général et en même temps une force qui est donc avec une capacité de mobiliser, en fait, la twittosphère, par exemple, comme on le voit de temps en temps, et en même temps, de façon plus nuancée, la capacité de s'adresser aussi à des individus qui ont donc des spécificités de goût, d'intérêt, de consommation, de façon aussi simultanée. Et la dernière caractéristique du web qu'on qualifie de sociale, c'est la pluralité des pratiques. Cette pluralité, donc cette diversité des pratiques, elle est liée directement à la capacité créative des usagers qui leur est offerte, parce que justement, comme il y a potentiellement plusieurs façons d'utiliser la plateforme. Par exemple, au début, les hashtags dans Twitter, en fait, où il y a quelques règles, mais en fait, où avec des points avant, ou toutes sortes de façons de l'endroit dans lequel on va placer le hashtag, ou bien des logiciels qui apparaissent, par exemple, pour raccourcir les hyperliens, pour réussir à rentrer dans les 140 caractères, etc. Tous ces développements, en fait, proviennent d'individus qui ont cherché à améliorer l'utilisation d'une plateforme, mais de façon originale. Ce qui donne lieu, en fait, à des façons assez singulières, finalement, d'utiliser les plateformes. Donc, il y a contrairement, par exemple, à la télévision ou à la radio ou autre, où on allume l'écran et puis on l'utilise de la même façon, le web qu'on appelle social propose donc des outils qui sont que les usagers peuvent s'approprier davantage. Comme je vous l'ai dit au début du cours, un des objectifs ici, dans le cas de ce cours-ci, c'est d'essayer d'envisager les problèmes liés au numérique de façon générale sous des angles communicationnels. Donc vous avez à revenir en fait ou à tout le temps vous interroger ou à faire des liens avec ces dimensions de communication. Comme on l'a vu dans la diapositive précédente, une des caractéristiques, en fait, lorsqu'on discute notamment du numérique sous un angle de la communication, c'est cette capacité ou ce côté de favoriser la participation. Donc, c'est la participation du public, par exemple des internautes sur Internet, au numérique en tant que tel, qui fait en sorte qu'ils proposent de nouvelles solutions, ils modifient les usages, ils collaborent aussi de façon plus facile. Cette participation assez grande entraîne un partage, donc des flux d'informations qui sont plus importants. Donc augmente le partage d'informations, augmente la diffusion et la circulation en fait d'informations. Ce partage-là, donc plus massif ou qui augmente, donne lieu à des interactions ou un nombre d'interactions potentiellement plus grand et donne lieu aussi à la création de communautés. Donc de communautés qui vont se rassembler autour d'objectifs communs. Par exemple, on fait une opération de crowdfunding et on se réunit autour d'un projet pour lequel on a une certaine sympathie ou parce qu'on connaît quelqu'un ou parce qu'on veut le soutenir, etc. Ou on fait une communauté parce que on aime pêcher dans les lacs du nord de l'Écosse et que on est quelques-uns à se donner les meilleures périodes auxquelles pêcher, les trucs, etc. Donc toutes sortes de communautés avec toutes sortes d'intérêts, d'objectifs différents qui vont également en fait apparaître, se développer, se structurer parce qu'il y a une capacité plus grande de partage d'informations. Et comme je l'ai déjà un petit peu mentionné, il y a ces interactions, ces communautés sont liées aussi ou drainent avec elles des capacités d'appropriation des plateformes, d'utilisation du numérique et des capacités aussi d'innovation, donc de proposer des nouvelles façons d'utiliser le numérique ou les plateformes du numérique. Quand je parle, je dis numérique au sens un peu générique, dans le sens où, oui, il y a Internet sur lequel j'axe essentiellement la présentation d'aujourd'hui, mais il faut également penser à tout ce qui est de l'ordre de la télématique, donc l'informatique en général, et le travail en réseau, etc. Ce schéma un peu des fonds, ce qu'on appelle les fondements communicationnels, notamment du web et du web social, ils font écho à ce qu'on appelle la pyramide des besoins, que je vous ai mis ici en résumé, qui est en fait de partir de besoins fondamentaux, vitaux, pour aller vers des besoins qui sont plus de l'ordre de l'estime de soi, la valeur, la reconnaissance sociale, etc. Et en fait, le web, en général, répond de façon plus ou moins grande, et en particulier le web social, à ces différents besoins en fait, de la pyramide. Juste pour me donner une idée un petit peu des types de théories que vous connaissez déjà ou pas, est-ce que cette pyramide-là, est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous l'avez déjà vue? D'accord, ok. Bon, donc, vous pouvez également, dans vos analyses des phénomènes liés au numérique, reprendre ce modèle-là pour voir dans quelle mesure, notamment le besoin d'appartenance et le besoin d'estime, jouent en fait, dans les phénomènes de communication sur les plateformes numériques. Dans tout ce qui est de l'ordre des communautés, justement, des leaders d'opinion, des influenceurs, etc., sur les médias sociaux, ce sont en particulier donc ces besoins 3, 4 et potentiellement 5, des besoins en fait qui sont des déclencheurs ou des motivateurs en fait pour les usagers à se comporter de telle ou telle façon ou à utiliser les plateformes de telle ou telle façon. Ok, les 53. Okay, on va faire une pause maintenant. Avant de reprendre pour la suite un peu de débroussaillage, de définition et de mise en place de certaines théories. Donc on fait une pause de 10 minutes, il est 53, donc à 15h03. On reprend, d'accord?